Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 156e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. Et oui, la tribu, c'est Spike et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Merci encore pour tous vos anti-messages que vous m'avez laissés suite à l'émission de la semaine dernière. Et merci à tous les groupes et Dieu sait qui ont été nombreux à me contacter cette semaine. On commencera tout de suite avec Bank Robber de The Clash. C'est la bande originale du film Rock'n'Rolla, sorti le 1er septembre 2008. On retrouve I Am A Man avec The Black Strobe, The Trip avec Kim Foley et The Stomp de The Hives, du pur son. On continuera ensuite avec une nouveauté, Capitaine, le nouveau Lopayès, c'est sur l'album Echo, sorti le 29 mars 2019. On retrouve Afukwok, du nouveau, et Nos Afriques, un excellent album sorti chez Kebra Records. On le retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Brightness, le nouveau catalogue, c'est sur l'album High Grade Effective qui vient de sortir. On retrouve La Disco, Under Time A Day et Cœur de Silex. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. On en écoutera ensuite She's Got Issues de The Offspring, c'est sur l'album Americana sorti en 1998. On retrouve Staring at the Sun, Pretty Fly for a White Guy et The Kids Out Alright. Et on finira ce bloc en live avec Reggae With You de Alton Ellis, c'est sur l'album Still In Love, sorti en 1977. On retrouve Change Of Plan, Breaking Up et Play It Cool, du son Good. Love to live that way, and he loved to steal your money. Some capitaine de paquebot flegmatique. Bois du champagne et scintille comme une étoile qu'il n'est pas. Ses absences sont devenues quasi systématiques. Il aime confier la barre à la chance qu'il n'aura pas. La chance, ce n'est pas non plus le trait caractéristique de ces milliers de gens qui se trouvaient ce soir au même endroit. Lorsque d'un coup d'un seul, il prit la décision diabolique de faire prendre un virage au bateau qui filait tout droit. Que le vaisseau flirte avec la roche du Nil, le capitaine jouit dans une maîtresse empruntée au hasard. Lustre grandiloquent, assiette et autres ustensiles sont maintenant quelques-uns des objets qui s'expriment et se marrent. Et tandis que la foule commence à courir dans les coursives, le brave capitaine s'enfuit en évitant les miroirs. Au rage, ne voilà-t-il pas que les officiers l'imitent, délaissant à leur sort les touristes sur leur nénuphar. Machine arrière, toute. Syracuse, toi qui aimais tant les mers du sud, nous sommes allés en vitesse de croisière, nous abîmer en pleine mer. Ce capitaine fustige en bloc les charges des assises. Les protagonistes jouent à question pour un champion. Et ce sont eux, les vacanciers, qui s'activent et défilent et se retrouvent seuls une nouvelle fois sur le pont d'un bateau fantôme réquisitionné par la justice, d'un vrai théâtre en bois qui sert de tribunal pour l'occasion. Et de ce point de chute, ils tenteront bien qu'on se le dise de panser leurs plaies rougies par le sel et la séparation.

Just a man be a search. Rub-a-dub. Rub-a-dub. In the morning time, I'm a rub-a-dub, a rub-a-dub. Come and be a son. On vient de s'écouter Urban Crobber de The Clash, Capitaine, le nouveau Lopayès, Brightness, le nouveau catalogue, She's Got Issues de The Offspring, et on a fini ce bloc en live avec Reggae With You de Alton Ellis. On continuera cette émission avec Panama Papers, le nouveau Clanks. C'est sur le P4 Double at Boomerang, sorti en février 2019. On retrouve Daddy Say, Panama Papers, Sick and Stone et Angel in Paradise. Et on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Hold the Tight, le nouveau The Tog. C'est sur l'album original, sorti le 7 avril 2019. On retrouve Migrant Song, Lipstick Traces et Lonely Hearts. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Spiritual Revolution en vinyle de Third World. C'est sur l'album Walk the World, sorti en 1981. On retrouve Who Gave You, Jarastafari, Shine Like a Blazing Fire et Hug It Up, un classique du reggae. On écoutera ensuite Pop Poubelle de Metal Urbain. C'est sur l'album L'Âge d'Or, sorti en 1985, réédité en 1998. On retrouve Lady Coca-Cola, Paris Maki et Panic, un groupe phare de la scène punk française. Et on finira ce bloc en live avec So Lonely de Police. C'est sur l'album Live, sorti en 1995, mais enregistré en 79-83. Et on y retrouve tous les classiques et son culte de Police. sun starts hitting, I'm in a real bad mood. Let's start going down to hell. So really built the sky, money's curving. I'm still wondering if only you will hold me tight if you mind. Loving girl, no easy, can't find a way. I'm alright if you mind. I won't talk for sure that only was this fade away. I can't stand looking for shades, even battling at the gate. I won't spend my time to explain. I wanna think that way down. Kind of somewhere, or disappear, pushed underground. Hold me tight if you mind. Loving your no wings that can fly away. I'm alright if you mind. I want to push you down, only rust is fade away. Hold me tight if you mind. Loving your no wings that can fly away. I'm alright if you mind. I won't talk for you. Only roses fade away. Only roses fade away. With fairy tales, sometimes silence can yell when love is at home. A bloody nail. I can hear advice from a man with speaking so well and dating his wife when we met. Hold me tight if you mind. Loving girl, no wings it can't fly away. I'm alright if you mind. I would talk for sure. Spiritual revolution, no change. I ain't this your iration. We've got Vampire Freaks, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Thank you. Ah, qu'est-ce que c'était bon, ça, Police en live. Vous êtes toujours dans la 156e Vampire Fix et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de s'écouter, Panama Papers, le nouveau Clanks, Hold Me Tight, le nouveau Togs. On a eu ensuite Spiritual Revolution en vinyle de Third World. On a eu ensuite Pop Poubelle de Metal Urbain. Et on a fini ce bloc en live avec So Lonely de The Police. On continuera cette émission avec une nouveauté et même une exclusivité, c'est la quête du Graham, le nouveau Fahrenheit, c'est sur l'album Zone 51 qui est sorti le 18 avril 2019. On retrouve 49.3, Tout ce qui brille et Gothic Baby Doll, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Just Out of Reach de Max Romero, c'est sur l'album Pure Gold, sorti le 23 août 2011. On retrouve Big 20, Don't Want to Let You Go et... L'aide de Power Fail, donc du pur bon son reggae des familles. On écoutera ensuite Mania of Illusion de Blue Oyster Cult, c'est sur l'album Imaginos, leur 11e album sorti le 18 juillet 1988. On retrouve In the Presence of Another World, Blue Oyster Cult et Imaginos. On écoutera ensuite Scaville UK de Bad Manners, c'est sur l'album Return of the Ugly, leur 6e album sorti en 1989. On retrouve Sally Brown, Return of the Ugly et This is Ska. Et on finira ce bloc en live avec Ici Paris de Noir Désir. C'est sur l'album Dies Irae 1, sorti le 27 janvier 1994. On retrouve Here Come It Slowly, Les Écorchés et À l'arrière des taxis. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne. Fond de la galère, je rame, je rame. À la quête du Graal. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, recherche de mon poison d'or. Je fonce sur la voie du rail à la quête mordeur. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Paris. Et on vient de s'écouter à la quête du Graal, le nouveau et l'exclusivité de Fahrenheit. On a eu ensuite Just Out of Reach de Max Romeo. On a eu ensuite Mania of Illusion de Bureau Circuit. On a eu ensuite Scaville UK de Bad Manners. On a fini ce bloc en live avec Ici Paris de Noir Désir. On continuera cette émission avec une nouveauté et même une exclusivité. Drugs Are Sins, le nouveau Schultz. C'est sur l'album Shot of Pain sorti le 4 mai 2019. On retrouve Used Nerve, Fucky Body et Fake World. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Sam Field de l'Urticaire, le nouveau Guillermo Rock. C'est aussi le titre de ce superbe album sorti en mars 2019. On retrouve à partir de maintenant Putain de Martien et Encore Humain. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Merci à ma petite sœur Carole qui m'a fait découvrir ce super groupe. Et merci à Hervé Guillarmic de m'avoir envoyé le CD. On écoutera ensuite une autre nouveauté, même une exclusivité, I Have a Dream de Private et Mr. Alekja. C'est sur l'album Ather sorti en avril 2019. On retrouve Il y a un arbre, je me voyais encore demain, Flashball 2.0, on les retrouve sur Facebook, Bandcamp. D'ailleurs, la version numérique de l'album Ather est en vente à 7€. Et si vous achetez l'album, vous avez 4 titres bonus offerts. Et on les retrouve aussi sur YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté et une autre exclusivité, Discours Édylique de Speedbrain. C'est aussi le titre de ce superbe album sorti le 9 mai 2019 sur Juste une Trace. On retrouve Les Coulisses de la Pensée, Patience Latente et Violence Gratuite. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec un grand morceau, Les Flammes de la Joie de Molodoy. C'est sur le live On est là, sorti en 1993. On retrouve Irrécupérable, Cassons les murs et Cœur Fidèle. Ils ont écrit une page du punk alternatif français. Why don't you answer my calls when I call you? You think I don't know you're here? Why don't you answer my calls when I call you? You think I don't know you're here? Why don't you answer my calls when I call you? You think I don't know you're here? Sam. come again, woy. Mr. Alleger Private, yeah man, woy. Respect, farewell. Children all along the world, the earth, all along the universe. Farewell, farewell, farewell, farewell, whoa, whoa, whoa, whoa. Farewell, farewell, farewell, farewell, human, whoa, whoa, whoa, whoa. All along the space. Life, life, nature, it's my wife. Farewell, farewell, ja ja ja. Whoa, whoa, whoa, whoa. Step out, step out, ja ja ja. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. la joie. La semaine dernière, j'étais à Hanoï. Ça fait un gros effet de retourner dans la banlieue parisienne. Allez, que l'impôt. Oh, les gars, let's go. Ah oui, il y a eu de l'exclusivité. On a écouté Drugs Are Sins, le nouveau, et l'exclusivité de Schulz. On a eu ensuite Sam Field de d'Urticaire, le nouveau Guillermic Rock. On a eu ensuite I Have a Dream, le nouveau, et l'exclusivité de Private, featuring Mr. Alex Ja. C'est pareil, Mr. Alex Ja, Facebook, YouTube, Bandcamp, il est partout. On a eu ensuite Discours Idyllique, le nouveau, et l'exclusivité de Speedbrain. Et on a fini avec le grand classique, Les Flammes de la Joie de Molodoy, en live. On continuera cette émission avec, en live avec Rude Boy Ska des Gladiators. C'est sur l'album Alive and Fighting, sorti en 1997. On retrouve Naturality, Bongo Red et Ride to Me, une belle page du reggae jamaïcain. On aura ensuite un petit blues, Blue Monday en vinyle de Buddy Guy and Junior Wells. C'est sur l'album dit Original Bruce Bowser, sorti en 1983. On retrouve Everyday I Have Got the Blues, Messing with the Kid et Out of Sight, un classique de chez classique. On aura ensuite Viva Punk de Beton Todd, c'est sur l'album Charles Blood, sorti le 8 avril 2006. On retrouve Fire 5, Glowcoff et Kinder Der Zorn. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite une autre nouveauté, Shaman X, de featuring les commandos chamaniques de Nagualix. C'est sur l'album Punk and Dub, sorti en mars 2019. On retrouve Punk and Dub, Ya, featuring les Ramoneurs de Menhir, et Morocon, featuring Tagana Jones. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live, avec Welcome to the Night, de Night Demon. C'est sur l'album Live Darkness, sorti le 30 août 2018. On retrouve Ritual, Maiden Hell et Curse of the Damned. On les retrouve sur Facebook, YouTube et toutes les plateformes numériques. This one is called Rude Boy Ska. Coming to an end.

Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Wir glauben immer noch daran, für immer Punk ein Leben lang, denn nichts hat sich verändert seit der Zeit. Wir glauben immer noch daran, für immer Punk ein Leben lang, denn nichts hat sich verändert seit der Zeit, als wir noch Kinder waren. Samen tak we pe nieuwe lakota. En maar je hebt dan gewoon geen visie als pa. Les Espagnols ont fait des accords, ils ont précédé les Indiens. Ils ne doivent pas empêcher un chaman de protéger son peuple. Ils ne doivent pas empêcher un chaman de protéger son peuple. Of citizenship and autonomy up to absolute independence. Thank you.